rester sur nos destins, sourire un mirage qui peut-être n'en est pas un, du vent, des couleurs des gens, des regards des odeurs, des mots qui volent, des sentiments, des orgasmes, des douleurs. Est-ce que rien n'existe, moi? Je sais que tu es là, et c'est bien.